beaucoup de débats politiques cette semaine, je crois. Thibaut, tu t'es intéressé aux élections présidentielles, non ? Oui, oui, tout à fait. Vous le savez, les élections présidentielles arrivent à grands pas. Il faut donc donner la parole à tous les partis politiques. Un candidat s'est déclaré hier... Les Noirs et les Arabes, dehors ! Oui, alors, du calme. Du calme, ça va encore attaquer. Hein. Pardon. Oui, je disais, un candidat s'est déclaré hier, c'est Ronald Tubb. Il est avec nous ce vendredi. C'est bon, là ? Oui, oui. Les Noirs et les Arabes, dehors ! Oui, alors doucement, doucement, doucement. Écoutez, monsieur Darvor. Marchand. Oui, non, monsieur, j'ai été innocenté pour ça. Mais de quoi vous parlez ? Je sais pas. C'est la même chose que vous. Bien, les gens ne vous connaissent pas, présentez-vous. Alors, je suis le candidat officiel nationaliste anti-républicain. Appelons ça le connard. Alors, alors, la presse a dit de vous que vous étiez un candidat raciste, homophobe et vulgaire. Non, les enculés. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds rien, CPD. Ok, entrons dans le vif du sujet et parlons des migrants. Oh, monsieur Marchand. Monsieur Marchand, je vous attendais sur ce point-là. Eh bien, les migrants, qu'ils rentrent chez eux ! Ils ont fait l'aller, c'est pas si dur que ça de faire leur tour ! Oui, alors, je crois que c'est plus compliqué que ça. Hein. Écoutez, ça n'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est le chômage. Et j'ai les chiffres. 100% des Français veulent de l'argent à la fin du mois. Alors, justement, qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Eh bien, je vais mettre des petites annonces sur Pôle emploi ou Paru vendu. Ouais. Alors moi aussi, j'ai les chiffres des sondages. Pour les intentions de vote, vous êtes à 0,00003%. Oh, monsieur Marchand. Oui, j'ai peu de famille. Peu d'électeurs aussi. Vous savez, il ne faut pas se fier aux sondages. Oui, enfin là, quand même, ça sent le sapin. Hein. Alors, revenons à cet enregistrement sorti cette semaine et qui a fait scandale. Vous disiez à propos d'une jeune femme, je cite, hein, « C'est une pute, trop chère pour ce qu'elle pratique. » Laissez-moi répondre. Mais laissez-moi répondre. Ne me coupez pas la parole. Je ne vous ai pas coupé la parole, alors laissez-moi parler. Oh, ce n'est pas comme ça que vous gagnerez le débat. Les Français voient très bien votre petit manège, monsieur Marchand. Vous voulez du buzz, c'est tout ce que vous voulez. Écoutez, si je ne peux pas parler, je quitte les studios. Je quitte les studios. Ah non, mais j'ai rien dit. Hein. Ah. Vous voyez, vous me coupez la parole. Donc, je regrette ces propos, mais pour ma défense, elle était vraiment trop chère. Pardon ? Eh bien, c'était une vraie prostituée. Ok, merci monsieur Tubb d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Et une phrase avant de se quitter, pourquoi voter pour vous ? Eh bien, les Français ont besoin d'un président fort et dur. Et pour ça, il y a Tubb. Merci monsieur Tubb, hein, je vous souhaite de gagner les érections. Oh, bravo. Elle t'arrête celle-là.